Chapitre 4. Comme la nuit noircissait encore sous ce ciel sans lune et sans étoiles, que l'épaisseur entassée des nuées couvrait d'un voile de deuil ininterrompu, l'animation s'accrut, sauta brusquement à un diapason de folie où les cris, les chants, les jurons, les rires luttaient de violence avec le hurlement formidable de l'océan, remué jusqu'au fond de ces mystérieux abîmes. Sur le quai de Camaret, un fleuve de population coulait, plein de remous, de tourbillons, de courants se formant en sens opposés, se heurtant. Une houle farouche et incessante, où les vagues étaient des poings lancés en l'air, où l'écume était la bave de bouches vociférant des injures, des chansons, où le vent terrible de l'ivresse soufflait son haleine embrasée, empoisonnée d'alcool. Du bureau du commissaire, près de la route de Kellern, jusqu'à l'extrémité du Stivel, presque toutes les boutiques flamboyaient, vitres illuminées, vomissant par les portes battantes, des groupes de pêcheurs dans des vapeurs roussâtres qui projetaient des ombres dansantes le long du nautique. Une incessante clameur montait des débits, des cafés, roulant dehors des appels, des vociférations, des lambeaux de phrases, d'airs entonnés à plein gosier. Ils étaient bien là 4 à 5 000, presque tous de Douarnenez, noyant de leurs flots grossissants les Camaretois et les quelques pêcheurs de Plougastel, les mandarins, comme on dit, qui n'avaient pas osé repasser le goulet pour se réfugier à Brest, renonçant à affronter les périls de la sinistre roche Mingant à cette heure battue de lames colossales. Dès la seconde moitié de la journée, en pleine pêche, cela avait commencé à menacer, débutant par de courtes risées sur l'étendue, jusque-là fort calme, de l'Atlantique. La sardine donnant, le temps étant superbe, toutes les flottilles s'étaient risquées assez avant. De la pointe du Raz à la pointe Saint-Mathieu, aussi loin qu'on pouvait voir en long et large, les voiles brunes, rouges ou blanches, mouchetaient à l'infini le tranquille miroir d'un bleu profond qui reflétait le ciel. Tout à coup, au moment où, sa barque pleine à couler, absorbée dans la joie du beau gain qu'allait lui rapporter sa pêche, Tonton Corentin, dans les parages de la Parquette, un écueil au large de Penhat, faisait dresser les mâts, un souffle léger passa sur lui, une caresse de la brise qui se levait. Il eut un sursaut, pointa ses prunelles expertes sur la ligne d'horizon et montra à son équipage une sorte de barrière opaque, encore brumeuse, s'élevant derrière l'Armen, très loin dans le bas ouest-sud-ouest. « Diable ! » fit-il seulement. Les hommes regardèrent à leur tour, mais Garrec assura. « Nous avons le temps, même que cela va nous aider à rentrer plus vite que nous ne le pensions. Pas besoin de revenir à la nage, comme on le craignait au départ. » Il riait, satisfait, aidant à ranger les lourds avirons que cette mer d'huile avait fait préparer pour le retour. Il leur fallut très peu de temps pour gagner la pointe du Toulinguet en passant au-delà de la roche le Trépied, sans venir s'engager dans le passage du Corbeau. Ils laissaient ainsi sur leur droite tous ces dangereux cailloux où moutonnait déjà une frisante collerette d'écume. Avant de tourner la pointe, à peu près à la hauteur de l'énorme îlot le Toulinguet, non loin de la Louve, le patron donna un dernier coup d'œil au loin. « Madoué, si ça continue de souffler aussi fort et aussi régulièrement du même point, il ne fera pas bon en mer ce soir. Gare ou traînard !» De toutes parts, on voyait les barques se rassembler, tout le cap au nord, aussi bien celles qui se trouvaient encore attardées dans le voisinage du Raz de Saint que celles qui pêchaient au tas de poids, aux pierres noires, à l'anse de Berthaume. C'était une fuite générale devant le coup de vent qui se préparait, grossissant peu à peu, commençant à remuer les vagues, à les faire neiger le long des côtes autour des écueils. Étant donné la croissante vitesse de la bourrasque, il était impossible, même pour celles de Douarnenez, de chercher à rentrer à leur port d'attache et de lutter contre un souffle pareil. Mieux valait, au contraire, s'en servir pour se réfugier en toute hâte à Camaret. Ce fut une course folle sur la mer blanchissante. Corentin s'estima heureux de se trouver entré parmi les premiers pour se débarrasser à bon compte de son chargement, car en présence de la masse de barques survenant les unes derrière les autres, chargées de poissons, les prix baissèrent considérablement, les usines regorgeant. À la tombée du jour, il en arrivait encore. Mais déjà, sous la violence continue du vent, la mer montante déferlait terriblement, balayant la jetée d'une poussière d'écume qui retombait en pluie jusque dans les eaux plus calmes du port. Bientôt, on aurait pu compter près d'un millier de barques qui étaient venues chercher un abri à Camaret, et les équipages, descendus à terre, leurs poissons vendus, commencèrent à mener grand train dans les débits et dans les cafés. Ils étaient là comme en pays conquis, se trouvant trois fois plus nombreux que les Camarétois, buvant, mangeant, se querellant, faisant partout la loi, avec l'insolence de leur nombre et de leur force. Déjà bien des batteries avaient eu lieu, que l'unique gendarme de la localité était tout à fait incapable de pouvoir empêcher. Aussi laissait-on faire, dans l'impuissance de réprimer ce désordre, de se défendre contre cette horde violente. On aurait dit d'un port pris d'assaut, mis au pillage, jusque dans les champs, là-haut, autour des moulins, Berpenhat, Lagatiar, Kermer, il y en avait qui rôdaient, volant des pommes de terre, des choux, des carottes, avec l'égoïste rapacité de gens qui ne possèdent rien sur terre et ne vivent que sur l'eau, en pirates. C'était toujours avec une certaine anxiété que les gens de Camaret, d'humeur plus douce, voyaient arriver ces avalanches de douarnenésiens, et les plus prudents se calfeutraient pour éviter d'avoir quelque mauvaise affaire avec eux. Ce soir-là, perdus au milieu de la tourbe grouillante, leur journée terminée, ils firent comme d'habitude, sauf quelques-uns qui avaient des amis parmi les quelques pêcheurs raisonnables de Douarnenez, ou ceux qui profitaient de l'occasion pour faire également tapage, luttant d'ivrognerie avec ces Russes. Tous les établissements étaient pleins à déborder. Les boulangeries envahies d'abord avaient été entièrement vidées, car acheter du pain est la première préoccupation des Douarnenésiens. Dès qu'ils sont à terre, on les voit, un grand pain rond sous le bras, leur petit béret bleu plissé régulièrement, donnant à leur petite tête l'aspect d'un champignon haut perché sur leurs épaules massives et leur grand corps. Des groupes roulaient, titubant, l'œil voilé, la bouche pâteuse, du débit Moal au café Jet, de la descente des pêcheurs au café du Nord, du café du Port chez Bozanec à l'abri de la tempête, passant par le café de l'Espérance, l'hôtel de la Marine, avant de pousser jusqu'au café de la Rade, au fond du Stivel. C'était bien là ces Douarnenésiens qui, ivrognes redoutables, dès qu'ils ont un peu d'argent, le dépensent en bonbons, en gâteaux, en vin, en alcool, en ripaille, robes de soie pour leurs femmes, bijoux, sucreries, puis atteignent la misère complète à tout mettre au mont-de-piété, pour recommencer au premier gain qu'ils font. « Une nuit d'enfer que nous allons passer là !» grommela maître Guivarc appuyé à la guérite du douanier avec lequel il causait, ainsi que Balanec et Maradour. « Toujours comme ça, capitaine, quand les voleurs de patates descendent ici !» riposta Balanec. Maradour philosopha. « Bah, ça fait aller le commerce. Ils m'ont vidé ma boutique. Il ne me reste pas seulement un os. Oh, toi, pourvu que ta viande soit vendue !»« Madoué, quand on paye, il n'y a rien à dire, pas vrai ?» Que les autres fassent comme moi. Ça me saigne le cœur de les voir par chez nous comme chez eux, appuya le mareyeur. Aussi je rentre, histoire de n'en pas fourrer quelques-uns dans le quai. Misère. Bonsoir, vous autres. Si encore ceux de Camaret ne s'en mêlaient pas, fit le boucher, cessant de rire. Mais il y a ce diable de revenant, on le croirait enragé, tonnerre de Brest. Maître Pierre ne répondit pas et baissa la tête. C'était justement son gros chagrin de voir la manière dont avait peu à peu tourné son neveu, ce fils de son tant regretté frère, et au sujet duquel, à la suite de son miraculeux retour, il avait fondé de telles espérances. Jamais, jusqu'à ce moment, il n'avait voulu s'avouer la vérité, reconnaître que le jeune homme avait rapporté, de sa longue existence passée à l'étranger, plus de défauts que de qualités, plus de vices que de vertus. Cela lui crevait le cœur. D'autant plus qu'en sortant sur le port, après son souper, il avait eu la malchance d'apercevoir Hervé, déjà tout allumé d'ivresse, bras dessus, bras dessous, avec une bande des plus mauvais gars de Douarnenez, des gaillards dont il avait dû faire la connaissance dans ses bordées, et qu'il venait de retrouver dans quelque débit. Une autre inquiétude l'avait attiré dehors. C'est qu'Yvonne, partie le matin pour aller voir une de ses amies à Morgat, près de Crozon, n'était pas encore rentrée, et que des pêcheurs de Morgat, réfugiés en ce moment à Camaret, assuraient l'avoir vu sur la barque d'un de leurs camarades nommé Larvor. Sur le quai, Guivarc avait vainement questionné le douanier. Celui-ci donnait tous les noms des pêcheurs. Aucun d'eux ne ramenait Yvonne. Elle a dû simplement visiter les grottes avec Larvor et son mousse, puis revenir à Morgat, car la barque de celui-ci est un méchant morceau de bois à ne pas tenir la mer par ce faillitant, assura Maradour. J'aurais préféré tout de même un autre que ce Larvor, marmonna Pierre Guivarc. Un brouhaha de cris, de voix tempêtant dans l'hôtel de la Marine arriva jusqu'à eux malgré le souffle gémissant du vent, sifflant à travers les milliers de mâts balancés sur l'eau houleuse. « Bon, une dispute chez cette brave tante Rosalie. Elle doit être au sang au cou avec ces diables d'ivrognes, s'écria le maître de port, arraché brusquement à ses idées sombres. « Ce sera charité d'y aller voir !» appuya Maradour. Perçant l'épaisseur de la cohue qui se ruait dans tous les sens et ne prêtait même pas attention à ce tapage particulier, ils atteignirent la porte de l'hôtel. Le vieillard fit un geste de colère. « Oh, diable !» Le boucher plissa les lèvres. « C'est ce que je craignais. Le revenant est déchaîné. Qu'est-ce qu'il peut bien avoir dans le corps, ce gredin-là » Hervé, debout, tenait tête à un groupe de douarnenésiens. « Eh bien, venez-y donc. J'ai eu affaire à 7 à la fois là-bas en Australie. À 7, entendez-vous, et des autres que vous, allez. 6 que j'en ai démoli, et sans un mauvais coup de traître. Le 7e y passait aussi. Je n'en crains pas 7. » Les autres criaient tous à la fois, mais aucun ne leva la main sur lui. Il se rassit, continuant de gronder sourdement. « Oh, si on savait toute ma vie, ah, ah, mais voilà, on ne la saura pas. Personne que je dis personne. Hé, hey, là-bas, vous autres, écoutez, on en a fait cependant. Ha, ha, ha !» Il ricanait d'un pesant rire d'ivresse, ne faisant grimacer que les mâchoires, les yeux embués d'une sourde flamme bleue d'alcool à demi consumée, la voix rauque, la gorge étranglée de fureur et de boisson. « C'est à Buenos Aires que j'en ai fait. Comment savoir ? Pas possible. J'en ai vu un. Ce qu'il criait pendant qu'on le menait à la dégoyade. On allait le fusiller, quoi. Un voleur, un bandit. Pas le seul, hein ? J'en connais. J'en... Comme... Sa phrase finit par un rire qui fit frissonner Pierre. « Oh, le malheureux ! Que dit-il ? Que va-t-il raconter ?» Mais déjà Hervé entamait autre chose, bégayant de ses lèvres lourdes d'eau-de-vie. « Tonton, tonton Corentin, celui-là, je ne le crains pas non plus. Il n'aura pas Marianic. Oh non, non, c'est à moi, quand je devrais le... » Son poing heurta si rudement la table que les verres sonnèrent, et, ce bruit détournant aussitôt ses idées, il hurla. « À boire ! À boire !» Devant lui, la patronne de l'hôtel se dressa, écartant par son seul aspect ses cheveux gris lissés sous sa coiffe blanche, ses yeux bien francs, son air décidé, ceux qui entouraient Hervé. Elle lui posa sur l'épaule sa main, moitié maternelle, moitié autoritaire. « Non, non, mon fils, tu as assez bu comme cela. Sois raisonnable, va te coucher. » Il secouait la tête, faisant « À boire, à boire !» Un de ses compagnons, un douarnenésien, ivre perdu à ne plus pouvoir avaler, pleurnicha, attendri. « Il n'y a pas de pain chez moi pour mes petits. » Puis hoqueta, surmontant cette faiblesse. « Du vin ! Encore une bouteille !» Tante Rosalie, impassible, sans même se préoccuper de cette brute, insistait, penchée sur le revenant. « Tu n'as pas honte, Hervé ? Ah, si ton pauvre père te voyait ! Songe un peu, ton père, Hervé Guivarc, ton père, qui dort là-haut au cimetière !» « Écoute, ta doyenne, voyons !» Le misérable mâchonna. « J'ai soif !» Une inspiration vint à la brave femme, dont le visage, aux mille plis fatigués, exprimait plus de douleur que de colère. Elle trouva ce cri. « Je vais chercher Yvonne !» Une commotion sembla secouer l'ivrogne, dont les yeux eurent un éclair, dont la main s'accrocha au bras de la patronne de l'hôtel. Quelques instants, il parut dégrisé, les doigts de son autre main fourrageant sa chevelure, et il répétait « Yvonne, Yvonne !» Mais un mouvement se fit dans la foule qui encombrait le seuil de la maison. La Gadec entra brusquement et annonça « Il y a un malheur !» Quand il eut repris son souffle, il expliqua tout haletant. « J'étais chez Dagorn, au sémaphore. Un bateau vient de se perdre au tas de poids. Peut-être y a-t-il du monde sur les roches ? Dagorn croit voir quelque chose. » Pierre Guivarc eut un pressentiment brutal. Une plainte jaillit de ses lèvres. « Yvonne, pourvu que ce bateau ne soit pas... » Il n'osa achever, le cœur serré. Sur la table, la tête écroulée entre ses bras, Hervé venait de s'endormir, assommé d'ivresse, sourd à toute voix, sourd à tout bruit, même à ce terrible et angoissant rauquement de la trompe appelant les hommes de cœur au canot de sauvetage, et qui retentissait lugubre au bout du stivelle.